Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant du côté des Saguenayens de Chicoutimi, les Saguenayens qui ont joué en fin de semaine. Ils ont perdu 3-2 contre les Cataractes de Shawinigan. Pour les Sags, Justin Duchamp et Jesse Sutton ont marqué les buts. Une passe pour Jérémy Fortin. Et vendredi, défaite des Sags, 3-0 contre l'Armada de Blainville, Boisbriand. Les Marquis de Jonquière, tant qu'à eux, ont gagné 6-2 contre Sorel. Vendredi au Palais des Sports, dans le match, on a noté que Danick Paquette a été le meilleur joueur avec une production de 2 buts, une passe, et Christian Ouellet a marqué 1 but et 2 passes. Maintenant, parlons des élites de Jonquière. Ils ont gagné 2-1 contre Saint-Hyacinthe. Jérémy Pelchat de Dolbeau-Mistassini a été blanchi. Le multiconcessionnaire a remporté une victoire dans un festival offensif par la marque de 8-7 contre la Haute-Côte-Nord. 3 buts, une passe pour Simon Tremblay, un doublé de Jean-François Fortin et 1 but et 2 passes pour Jean-Philippe Pellicelli. Puisqu'il est question de la Ligue du Lac-au-Fleuve, grosse nouvelle concernant la MJR Express de Jonquière qui ont décidé de jouer leur match à l'Abbé, à l'Aréna Jean-Claude Tremblay à partir de vendredi prochain. Les faibles assistances au foyer des loisirs de Ville-Saguenay est la principale cause du déménagement. 2 victoires pour les Éperviers de Normandais en fin de semaine. Donc, dans le premier match, vendredi soir, les Éperviers ont gagné 7-0 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Yannick Tremblay a marqué 1 but et amassé 2 passes. Il n'y en était que 5 joueurs ont marqué 1 but et 1 passe, soit Philippe Pelchat, Jérémy Cloutier, Charles Tremblay. Ont été les marqueurs, de même que Philippe Sergery et Mathieu Deblois. Et hier, gain des Éperviers 4-1 contre les Aiglons d'Allemand. Le meilleur joueur a été Charles Tremblay qui a marqué 1 but et amassé 2 passes. Un seul match pour les Sabres de Roberval. Ils se sont inclinés 5-0 contre les Marquis de Jonquière. Ligue Midget Régionale, le Marcos Pub a perdu 7-6 contre les Aiglons d'Allemand. Il y a Yoannick Chakaï qui a marqué 2 buts et ajouté 3 passes et 2 buts pour Simon Dumas. En catégorie Benjamin Division 1, défaite des Aiglons d'Allemand. Des Aigles de Roberval plutôt 9-3 contre l'école Cardinal Roy. Au niveau cadet, Division 2, défaite des Aigles 5-0 contre les écoles Pointe-Lévis. Et au niveau juvénile, victoire de 4-0, toujours des Aigles de Roberval contre Pointe-Lévis. Et je termine avec du Bantam, Ligue Bantam Régionale. Les Rapides de Boumissassi ont perdu 5-3 contre les Ambassadeurs de Chibougamau et ont remporté l'autre match 5-4, toujours contre ces Ambassadeurs. Le sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe.